Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Cynic. En direct et pendant une heure complète. Et c'est Yannick Char. Planète Rap Cynic, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour la dernière de la semaine. Ouais, comment déjà ça va? Tranquille ou quoi, frère? En pleine forme, Cynic est là avec nous avec l'album Immortel 2 qui arrive lundi. Ouais, c'est ça, lundi. Ça y en est, grosso modo, un peu plus de 48 heures. Il y en a déjà qui l'ont apparemment. Ah ça y est, c'est parti, ça, déjà, ouais, c'est parti. Il est déjà présent dans quelques Fnac. Bon. Ah tranquille, ouais, c'est le jeu, on connaît, t'inquiète. Régalez-vous, vous l'avez avant les autres, c'est cool. Profitez avec l'album Immortel 2 qu'on découvre, qu'on peut toujours aussi précommander dès maintenant, on peut y aller. Hein. Précommander, ouais, exactement, avec deux titres en plus pour la version collector. Donc voilà, pour ceux qui veulent ces deux morceaux-là, c'est jusqu'à dimanche minuit, exactement. Allez-y, allez cliquer Cynic pendant une heure avec nous ce soir entre 20 et 21, et puis on va se rappeler ce qui s'est passé durant cette semaine qu'on a concentré en quelques minutes. Écoute, c'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. Comment ça va, Cynic? Bah écoute bien. Hein. On a passé une très belle soirée pour débuter ce retour. Ouais. Même si c'est vrai, les gens m'ont dit mais il est jamais vraiment parti, il était là, il a tourné. Ah non, on revient tous les ans. Et c'est ça en fait. T'inquiète, on revient tous les un an et demi. Docteur, est-ce que c'est grave? Si ma route est tracée, si j'en ai plus rien à foutre, si je pense qu'à tout écraser. À tout prix, être une machine de billets. En privé, j'en oublie même de prier. De quoi en faire un drame? Le prix du passé, si j'ai appris à faire des liasses avant de faire mes lacets, rien dans le crâne. J'ai rendu fou les scanners, chef. Je ne baisse pas la tête, baisse ta main. Tiens, t'as des invités qui font des selfies. Yes. Exactement. Dans le studio, tout discret, ces gens. Le Wu-Tang, c'est les rois du selfie. Bah alors présente-nous un peu qui sont tes invités. Nous, on les connaît bien ici à Skyrock, puisqu'on est partenaire de leur spectacle. Ouais. C'est un plaisir d'être ici avec Cynic. On vient soutenir l'album du refrain. Ça, on est très contents qu'ils reviennent, en tout cas. Donc, c'est une petite partie de l'équipe du Whoop. Ouais, c'est ça. Ouais. Envoyez vos retours, la famille. On veut savoir. Ici, Anika. On est là avec le Whoop. Rap. Planet Rap. Planet Rap. Ça pue l'hypocrisie, mais que vous dire de plus? La preuve, porter le voile ne dérange pas dans les boutiques de luxe. Tu rêves d'un bel appart, les mères les plus battantes sont. Ça sort lundi, la famille, Immortel 2. C'était toute cette semaine, en direct avec Cynic sur Skyrock. Immortel 2, petit medley, DJ. Allez, Joy. C'est parti. Et la street me follow, que des projets solides, en équipe, en solo. Je fais mes dièses. Frérot, ça fait tant long, j'ai toujours les temps longs. Au grand jour ou tant, ne crois pas que c'est drôle. Inclassable depuis la nuit des temps. Planer après minuit, je ne vois que des drones. Tu joues du père. Qu'est-ce que tu veux parier de grammes au fond du corps? Si Anika, on est là. Tout n'est qu'une parodie. Rappeur de test, moi si je chante avec une barbe, ça fera peur. T'inquiète pas, va. Parodie, pas là pour faire de l'esbrouf. Tu sors du poste avec tes bleus, t'as l'air. Planète Rap. Donc un invité que je te laisse présenter, il fait partie de ton label, 6ix9ine. Exactement, il fait rejoint partie de l'écurie. La maison, il a rejoint l'écurie et voilà, il s'appelle l'artiste. Ça va bien l'artiste? Ça va. En forme? Très bien, merci. Je me gratte les couilles, je vous regarde, je me marre et je joue à la console. Je rappe, je consomme, je paye des impôts. Tu grattes ta gauche, franchement chapeau. Tester l'artiste, c'est pas du gâteau, je suis Versace, j'étais petit bateau. J'ai un scoop pour toi, c'est officiel. Je suis le boss de l'auto, tu ne t'en qu'à des sous, tu vas te faire enculer, je vais pas changer de logiciel. On m'a dit c'est trop commercial. Mais connais-tu quelqu'un autour de toi qui refuserait un paquet d'oseille? C'est la crise, ma gueule. Aujourd'hui dans nos cités, y'a des petits rebeux renois qui dansent comme George Michael. Donc tu fermes ta gueule sous le pavé le soleil. Et sur le pavé le sang. Pas papa de les humilier. Du rap, c'est le pilier. Inclassable, inflammable, je suis bad, irrégulier. Les langues de pute déboulent en milliers. Clac, délié. Banque sud, on m'a filié. Dans mon 4-4-4-4 bélier. T'as compris, moi je viens de la teste. En son prix sous l'épée de la dèche. La barbe noire à la benne de la denne. Carter chez moi, c'est le Bangladesh. Fin de la trêve, gardez la pêche. Pas question de leur faire de la laisse. Yo, fuck, c'est loi qui me prennent la tête. Je suis comme Bieber, je peux pas vendre la mèche. C'était toute cette semaine, en direct avec Cynic sur Skyrock. À part mes cicatrices, je ne regrette rien. Pompe, flingue, avocat, stop la vie d'Aloca. J'ai fait du sale et j'ai fait du bien. Grosse lasse de Star Wars, rendez-vous au parloir. Ils veulent trinquer à l'honneur de ma fin. Ok, tout ça on verra bien. J'ai pris des coups, j'ai pas lâché le terrain. Bang, pow. L'artiste est l'assassin, je suis au bout de ma vie. À deux doigts de craquer. Je suis dans des bails de malade. Solitaire et braqué. J'suis au bout de ma life.

à tout prix être une machine de billets. En privé, j'en oublie même de prier. De quoi en faire un drame. Le clip est dispo. Allez soutenir la famille Sianika. Cancer de la banlieue. J'ai rendu fou les scanners. Chef, je ne baisse pas la tête, baisse ta mère. Le cancer de la banlieue, le clip est arrivé cette semaine, on le disait, le morceau arrive dans les bacs dès lundi. Ouais. Il est pour vous à découvrir Cynic ce soir entre 20 et 21. Ce soir, comme c'est la dernière, on va évidemment parler Avenir. Donc Avenir, c'est lundi avant tout. Ouais. Le 13 avril pour la sortie d'Immortel 2. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a prévu pour cette année 2015, Cynic? Une tournée? Écoute, on espère, hein, une belle tournée. Après, voilà, hein, on est en indé, donc ça dépendra surtout du résultat, des retours qu'on aura sur l'album. Mais j'espère, quoi qu'il arrive, il y aura des dates, ça c'est sûr et certain. Donc après, on espère une vraie, vraie tournée pour ce projet-là. Donc voilà, c'est aux gens de soutenir le truc et de faire en sorte qu'on puisse la faire ou pas. Demain soir, tu joues aussi, hein, c'est ça? Hein, demain, on est à la Bellevilloise, à Paris, pour le Ghetto Fab Show 2. Il y aura plusieurs artistes, on fera une petite apparition là-bas. Et après, j'espère, comme je te le disais, qu'il y aura d'autres dates. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça se cale tranquillement avec mon équipe, Bouchta, P2B, voilà. Donc pour 2015 tournée, d'autres projets, t'as d'autres trucs en tête aussi Écoute, maintenant, comme je t'ai dit, hein, c'est déjà là, on vient de terminer. Que pourra. Ouais, voilà, non, mais voilà, on va pas faire de grands projets ni de grandes phrases pour rien, mais voilà, on sait pas de quoi demain est fait. Je viens de passer 2 ans sur cet album, tu vois. Donc là, la promo, elle est en train de se terminer. Je vais respirer un peu. Je vais me poser, je vais attendre de voir un peu les retours, comment ça se passe par rapport au retour sur l'album, etc. Et après, je verrai, hein, je prendrai. Et est-ce que tu veux d'ailleurs ajouter des choses, peut-être qu'on n'a pas dit cette semaine sur l'album, sur Immortel 2, des choses sur lesquelles tu voulais insister? Moi, je te dis, je suis revenu à ce que je sais faire le mieux, en vrai. Tu vois, c'est-à-dire les textes, les thèmes, la vraie écriture, ce qui est pour moi l'essence du rap, tu vois, et de continuer à dire des choses. Pas faire des morceaux creux qui sonnent juste bien, mais qui au fond, tu vois, il n'y a pas de forme, il n'y a rien du tout. Donc voilà, j'ai fait vraiment ce que je savais faire. Contrairement aux autres albums, comme je te le disais pareil, en début de semaine, on a pas travaillé de la même manière. Je suis parti en solo dans ma grotte, tu vois, chez Kaza d'ailleurs, à qui je passe une petite dédicace. Et voilà, j'ai bossé tout seul avec l'ingé pendant 1 an comme ça, à faire mes maquettes, à avancer, etc. J'ai dû faire une 30aine de morceaux et voilà, on en a gardé 16 au total sur la version iTunes et sinon 14 sur l'album. Donc voilà, on a mis tout ce qu'on avait dans le bide, on est là, t'inquiète pas, grosse punchline, gros texte et voilà, 6ix9ine est toujours là. Bah, on va pouvoir continuer à découvrir cet album ce soir avec un extrait qu'on va mettre maintenant. Ouais, c'est le J'ai plus 20 ans. J'ai plus 20 ans, ouais, c'est un inédit et voilà, c'est un morceau, tu me parlais d'avenir, tout ça et tout, bah en vrai, il y a quelques réponses dans ce morceau-là, tu vois, c'est l'état d'esprit du moment, c'est exactement ça, tu vois, je m'en tape de la célébrité, de tous ces trucs-là, et en fait, c'est ce que je dis dans ce morceau, en fait. T'as vu, ça fait du bien aussi, des fois, de passer à autre chose, donc voilà, c'était mon état d'esprit du moment. De souffler. Souffler, de se poser, vivre, avoir une vie normale, t'as vu, enfin, être posé, serein dans sa tête, bien, donc voilà, c'est quelque chose, j'aspire à ça, donc voilà. Et ben, on l'écoute maintenant, c'est extrait d'Immortel 2, ça sort lundi. Que ma fille grandisse bien loin de ce vacarme. À l'âge que j'ai, c'est derrière moi les années de placard. Mon parcours dans la school ou dans la street, une suite d'erreurs. Le triste quotidien d'une petite terreur. 15 ans à spat, qui l'aurait parié? C'est pas les balles qui m'ont loupé, c'est juste le ciel qui m'a épargné. Je voudrais pas qu'on me ramasse avec une petite cuillère. Faut faire un choix, le tapis rouge ou le tapis de prière. Si ça vend plus un stud, je me dirais que j'ai fait mon heure. Et rien à foutre de ce que l'histoire retiendra de mon œuvre. J'aurai toujours ma façon de voir, vérité pessimiste. Je reprendrai ma vie d'avant et rire cynique. Ils veulent tous être connus, ils ont à peine mûri. Quitte à voter contre son pote, quitte à sucer le jury. Je voudrais partir d'ici, revendre le Porsche Cayenne. Le monde est moche, je me fais peur, je plains les proches d'Ayenne. J'ai vraiment plus rien à prouver, fini de fuck la police. M'en fous que l'on m'applaudisse. J'ai plus 20 ans. Égaré, je me suis trouvé, l'amour était ma phobie. Ma fille, je l'aime à la folie. J'ai plus 20 ans. Je reviendrai donner des nouvelles, des bars, ça me fait gaulerie. Le rap et toutes ces conneries. J'ai plus 20 ans. Je fume. Ouais, j'attends vos retours, la famille, Team Cynic. Lundi, j'arrête ces produits. Je veux plus savoir qui s'est fait plomber. J'ai passé l'âge, la vie du quartier. Un tel pète les plombs, un tel est tombé. Je prends du recul, mais normal, t'as vu la vie que j'ai. Juste un beat et la voix pitchée. J'attends ma fille devant l'école, venez pas me faire chier. Monsieur, c'est plus la merde envers les flics que je viens chercher. Impossible de nier une telle évidence. J'ai pris la paye, je suis parti, je vis dans une belle résidence. J'aspire au calme, c'est vrai. Un projet thermal, j'aimerais ne plus signer. Ni autographe, ni procès verbal. Plume de ouf, autoproclamée. Comme les trois quarts de mes potos, je viens d'en bas, j'étais pas programmé. Puis ce bled me met en boule, on dirait Sonic. Je serais parti depuis longtemps si j'étais Johnny. Rouler mon joint sans crainte, me sentir bien le matin. J'ai trop souffert dans cette vie depuis j'ai plus rien de matin. J'ai vraiment plus rien à prouver. Fini Immortel 2, police, lundi dans les bacs. J'ai plus 20 ans. Égaré, je me suis trouvé. L'amour était ma phobie. Ma fille, je l'aime à la folie. J'ai plus 20 ans. Je reviendrai donner des nouvelles. Des bars, ça me fait gollerie. Le rap et toutes ces conneries. J'ai plus 20 ans. Je fume à visage découvert. Me défonce à la chronique. Lundi, j'arrête. C'est promis. À 25 piges, tout a basculé. Changement de cap, je suis nul en maths, mais ça m'arrange. Comme ça, j'évite de vous calculer. Là d'où je viens, l'air est irrespirable. C'est pour Inès que je me tape, car elle est inestimable. Forte tête pour réussir, j'ai pas pompé le trompa. J'ai niqué trop d'années à me battre, je me suis trompé de combat. Trop de gens morts, je peux à peine les énumérer. Encore moins les récupérer. Alors si tout s'arrête, je serai fier de toutes ces choses accomplies. Je pourrais reprendre de l'air, je veux plus revendre de l'herbe. Dans les filets de la police, je suis pris. Je ne suis ni noir ni blanc, je suis gris. J'ai plus 20 ans. Je pardonnerai ceux qui m'ont lâché. Parce que les portes du paradis ne s'ouvrent pas aux croyants fâchés. Je rigolerai de ceux qui m'ont clashé. Hors lumière pour vivre heureux, vivons cachés. J'ai plus 20 ans. J'ai vraiment plus rien à prouver. Fini de fuck la police, m'en fous que l'on m'applaudisse. J'ai plus 20 ans. Égaré, je me suis trouvé. L'amour était ma phobie. Ma fille, je l'aime à la folie. J'ai plus 20 ans. Je reviendrai donner des nouvelles, des bars, ça me fait gollerie. Le rap et toutes ces conneries. J'ai plus 20 ans. J'fume à visage découvert. Me défonce à la chronique. Lundi j'arrête, c'est promis. J'ai plus 20 ans. J'ai plus 20 ans, c'est extrait de l'album Immortel 2. Voilà, yes. Pour avoir quelques réponses, on parlait de l'avenir justement et ouais. un regard sur le parcours aussi sur Ouais, bah on en a fait de la route hein. Mmh. Tu vois, on est passé par différentes émotions. Donc voilà, t'as vu, je pense que au bout d'un moment, je peux me permettre d'écrire ce genre de morceaux-là. Et voilà. Donc quoi qu'il arrive, en tout cas, je tenais à te remercier Fred, parce que j'oublie pas qu'il y a 10 ans, tu même plus que ça, on était dans la voiture avec les potos et tu jouais l'assassin. T'as été un des premiers à jouer l'assassin et quelque part à nous lancer aussi. Et voilà, donc remercier toute l'équipe Sky qui nous a toujours accueillis, le public, mon équipe 609, tous ceux qui m'ont toujours suivi, qui m'ont donné de la force. Donc voilà, un gros big up à eux, parce que on sait pas si on pourra se le dire plus tard, donc autant se le dire maintenant. Merci à tous ceux qui nous ont toujours soutenus d'une manière ou d'une autre, t'as vu, que ce soit depuis mon premier groupe l'Amalgame ou depuis mon dernier album là qui vont le découvrir. Donc voilà, un gros big up à eux. Merci, mais j'espère qu'on aura l'occasion de se le redire quand même. Ouais, écoute, on sait jamais. L'aventure n'est pas finie quand même. On sait jamais, mais c'était important de te le dire, parce que voilà, moi, je suis pas quelqu'un d'ingrat, et je me souviens bien qu'à cette époque-là, quand on avait rien fait à part quelques maxi, tu balançais nos sons, on était comme des oufs dans la voiture, on écoutait ça. Donc voilà, c'est des choses que nous on n'oublie pas, ça nous a boosté, ça nous a permis aussi d'y croire. Donc voilà, c'est cool, merci à toi. Bah après t'as fait aussi un sacré bout de chemin, et puis on a bossé après derrière. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais, l'aventure surtout continue quoi, ouais. Parce que écoute hein, on sait pas de quoi demain est fait, mais en tout cas voilà, ça c'est dit. Et ben après-demain, en tout cas dans 3 jours, la sortie lundi, ça on sait, ouais, que ce sera dans les bacs. Immortel 2 à pas louper, à découvrir cette semaine entre 20h et 21h. On va revenir, qu'est-ce qu'on passe comme titre dans quelques minutes, Cynic? On va mettre Repenti. Ouais. Ça on l'a découvert cette semaine aussi. On l'a découvert, ouais, je crois hier, je sais plus, hier ou avant-hier, un truc comme ça. Et c'est un morceau, j'ai eu pas mal de retours aussi. C'est un morceau où ça kick sur le texte, voilà, ça kick, ça punchline, il y a du contenu, tout ce que j'aime en fait. Donc voilà, on va se le remettre. Il y a Quand je serai grand, je crois aussi, qui est prévu. Ouais, Quand je serai grand, ouais, t'as raison, il était peut-être même avant. Même un petit peu avant, il me semble. Fred y suit bien, ouais. Puisqu'on a travaillé énormément, on a préparé énormément cette émission. Non, mais c'est Jenna, elle est là, t'inquiète, elle surveille tout. Jenna, elle est là.

Si Dieu le veut, je monte dans moins d'une heure. Le morceau s'appelle Repenti, vous le retrouverez sur l'album dans les bacs lundi. Ouais, c'est un des gros morceaux de l'album. Comme tu aimes les faire. Comme j'aime les faire, et voilà, qui synthétise bien la mentalité du moment, donc voilà, c'est cool. C'est un morceau que j'aime bien. On écoutera un autre titre dans un instant, il y a Dead qui est prévu aussi. Ouais, on va se le mettre à la fin, Dead, et avant on va se faire encore un petit inédit. Puisque l'album est sorti, puisqu'il est dehors, puisqu'il est cynique là déjà. Et j'ai vu pas mal de messages en disant ouais, moi je l'ai déjà. Ouais, bah voilà, bah donc on peut l'envoyer, hein, y a pas de galère. Donc on va envoyer Végéta en fait. C'est un nouveau. Un nouveau morceau sur Végéta. Pareil, c'est l'état d'esprit. J'ai même pas besoin de parler en fait. Écoute les morceaux, tu vas tout comprendre. Bon, il arrive dans un instant, juste avant, on est avec Ladza de Dunkerque. Salut Ladza. Salut. Ça va bien? Et toi? Bah écoute, je te présente Cynique. Salut. Salut Cynique. Ça va quoi? Bah ouais, écoute, bien, on est posé. Vendredi, c'est les vacances aussi pour certains, donc bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. Le week-end, toi, c'est quoi, Ladza? Week-end, repos? Ouais, non, là, c'est week-end, c'est week-end avec les potes. Voilà, week-end avec les potes. Gros truc de prévu pour ce week-end? Ouais, pas vraiment, on va essayer de voir. D'accord, bah écoute, on va déjà t'écouter rapper, puis après pour la suite, hein, tu te débrouilles, Ladza. Ouais. C'est parti, c'est l'heure du freestyle par téléphone maintenant. Ah. Dans un cendrier pour la laisser se consumer, pour me laisser m'émerveiller dans cette belle fumée. Hey, si j'escalade toutes ces marches pour atteindre mon sommet, un chèque, un jour je vais y arriver, un jour je serai diplômé. Pour l'instant, de la rue l'a fait, je suis pas le style de mec à se poser. Chaque fois que je pose mon CD, fini rayé, même disque, même refrain, elles enseignent les règles. Je te dis je t'aime comme je te quitte du jour au lendemain. Aujourd'hui t'es bien, demain tu n'es plus rien, reste une ruine de plus. Alors collection, moi je collectionne les larmes, laissez couler pour ces femmes. Pas de maille, je vis ma vie au jour le jour. Hey, j'étais petit comme tout le monde dans ce monde. Du monde où tout parle d'argent et d'argent, et rien d'autre à la vraie jungle, mon frère. Ici tu offres ton cœur pour recevoir en retour une lame en plein cœur de la déprime. Plus d'espoir, désespoir. Tu essayes de faire des rimes, mais tu ressembles à un crime. Tu regardes de haut en bas, de gauche à droite, ce que tu vois sur les horizons, des barreaux qui sont ta maison, ta prison. C'est un monde pas fini mais infini. Mais ce monde est pire qu'une cage avec des gens qui ont la rage. Heureusement que j'ai ma mère, mes frères de sang ou de cœur, ma famille, même ah, excusez-moi, petit bug. Ah, Ladza. Ouais, c'est le petit bug. Alors, on sait que par téléphone c'est pas simple. Hein. Ah, c'est genre. Bah ouais, facile. C'est pas simple. Hein. Bah merci à toi en tout cas d'être passé ce soir. En plus l'instru de Cynique. Ah bah je la connais. Et tu la connais celle-ci? C'est vrai, je l'ai kiffé. Ça fait 10 ans que je la fais. Tu l'as entendu résonner quelques fois, non? Ah bah je te dis, ça fait 10 piges qu'on l'a fait celle-là. Merci à toi. Ça va être un petit dédicace. Ouais, et dis-nous si on peut te retrouver sur le net, s'il y a des moments. Ouais, ouais, donc alors sur YouTube, on marque Ladza, on me retrouve directement. Et ma page Facebook, c'est Ladza Parpin. Ladza Parpin. Et pour un petit dédicace, il y a moyen? Bah vas-y, on t'écoute. Voilà, alors un petit dédicace à mes frères là sur XM, Givet, tout ça. Big up à un pote à moi, Guy Bol, à Val de Rue. Et une petite pensée à mon frère aussi qui est loin d'ici. Donc voilà, donc en tout cas, je remercie Sky et Cynic. Je te passe je te souhaite une bonne soirée. Ton album, c'est une réussite. Merci frérot, c'est gentil. Toi aussi, t'inquiète, frère, normal. Continue, lâche pas. Et c'est lundi dans les bacs pour Immortel 2. Et Skyrock, encore merci. Hein. Merci à toi, Ladza. Salut l'équipe. Passe une bonne soirée. Le Planète Rap avec Cynic et donc ce morceau qu'on va découvrir maintenant. Ouais, Végéta. Végéta. Yes. On balance? Ouais, vas-y, on le balance. Allez, c'est parti. Ouais. Ouais. Ma vie ressemble au mitard, je porte le poids du monde. Dehors ils sont des milliards, mais moi je ne vois qu'une ombre. Survivre se fait en silence, une balle s'est enclenchée. Appelle ça non-assistance à personne en danger. T'as cru que ça fait des amis, des vrais mais dans tes rêves. Ta vie n'était qu'une grosse blague, la chute les intéresse. L'amitié fait des dingueries, une vie qui suit son cours. L'amour est sur messagerie, tout seul les nuits sont courtes. Je vis dans un monde d'enculés. Demain je vais tomber sur quoi? Je suis ma propre calculette. Je ne peux que compter sur moi. Au jeu des sept familles, des orphelins, tu cherches la tienne. Mais dans la merde, y'aura que toi. Demande à Cheb, mamie. Chacun pour soi, pour être le chef du village. Tout le monde se baisse, fusillade. Le jeu des chaises musicales. Je fais le choix de marcher seul dans cette vie. Dès la naissance, échographie, photographie en selfie. Un jour tes faux amis vont te la mettre. Y'a que les cons qui croient que la vie c'est Konami, qu'on joue à deux manettes. Appelez-moi Nino, je suis né pour dominer. Si je tombe, ils tombent tous parce que c'est moi le premier domino. Yeah, le Kaiser sauce et de test. Sur le trône, c'est comme au shot, tu ne peux que poser deux fesses. Attitude de leader, je ne vois rien de gratuit. Pour moi, la vie, c'est Twitter, celui qui m'aime devra suivre. Le capitaine qui marche seul, demande aux miens. Protecteur, paratonnerre, Maradona, marathonien. Pas le temps de verser une larme, malgré le time décompté. Si le silence est une arme, j'ai tué grave des condés. Le dernier des spartiates, petit pape tout odieux. J'ai peut-être un regard glacial, mais je n'ai pas froid aux yeux. Tous les soirs, le rappel. Se dire à soi, ne jamais faire confiance. Les vrais amis se comptent sur les doigts de jamais. Ils ressemblent au mitard, je porte le poids du monde. Dehors ils font des milliards, mais moi je ne vois qu'une ombre. Survivre se fait en silence, une balle s'est enclenchée. Appelle sa non-assistance à personne en danger. T'as cru que t'avais des amis, des vrais mais dans tes rêves. Ta vie n'était qu'une grosse blague, la chute les intéresse. L'amitié fait des dingueries, une vie qui suit Immortel 2, lundi dans les bacs, 609. Je me suis fait seul au cœur des grandes villes. Grande chef ville. De bande pour t'allumer, j'ai pas besoin de venir à 30 000. Pourquoi nier, je manque de douceur. Pour moi je suis Zlatan, je peux gagner, même en jouant tout seul. J'avoue des fois je craque. Faudrait que je me connecte, je ne connais pas le rap, mais le rap français me connaît. Leader c'est toute ma vie, sur moi ils viennent se zépo. Crois-moi y'a pas que ma fille que j'ai dû porter sur mes épaules. Parce que sous terre y'aura que toi, cousine. Tu rentres seul, pas plusieurs, aucun cercueil fait limousine. Photo, dans la corbeille peu sont morts vieux. Photo, je suis pas corneille, je suis seul au monde mais c'est encore mieux. Enfermé sur moi-même. J'ai le regard dur, solo, car une armée ça peut trahir, mais pas une armée. www.gbrfamily.com. Je suis une équipe, certains m'appellent Messi, car moi seul je suis une équipe. Si on est sur Insta, Cynique, tu raides du bas. Désolé, officiel. Si les putes pouvaient voler, Facebook, Twitter, Cynique officiel. Je m'en réjouis, mon père m'a dit fiston, les moutons, c'est pour les méchouis. Sur ma vie, les potos déconnent, qui t'aident à avancer à part les yeux pour l'auto-école. La vie en couple, impossible, je les rends ouf de rage. Nous solitaires, j'ai rien à foutre dans un groupe de rap. Ma vie ressemble au mitard, je porte le poids du monde. Dehors, ils font des milliards, mais moi je ne vois qu'une ombre. Survivre se fait en silence, une balle s'est enclenchée. Appelle sa non-assistance, à personne en danger. T'as cru que t'avais des amis, des vrais, mais dans tes rêves. Ta vie n'était qu'une grosse blague, la chute les intéresse. L'amitié fait des dingueries, une vie qui suit son cours. L'amour est sur messagerie, tout seul les nuits sont courtes. Qui s'appelle Vegeta, yes. À l'instant, et qui résume en effet voilà, l'état d'esprit aussi. En mode Vegeta. On s'en bat les couilles, on est tout seul, on avance, et voilà, t'as vu. Vegeta, quel personnage, hein, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas. DBZ. Voilà. Dragon Ball Z. Voilà, Dragon Ball Z. Fallait être là à cette époque-là. C'était à cette époque, ouais. Non, mais c'est un personnage cynique en plus. Mmh. Il est vraiment cynique, Vegeta, tu vois. Donc j'aimais bien le petit clin d'œil, parce que c'est un mec qui s'en bat les couilles de tout. Et voilà, qui fait ce qu'il a à faire. Voilà, Vegeta à l'instant, un morceau tout seul. Non, je t'imaginais en plus tout seul en train d'enregistrer le morceau avec juste l'ingé son. Ah, exactement, dans la cave. Dans la cave. Dans la grotte même. C'est où, tu l'as fait sur Paris celui-ci Ouais, on les a fait à Black Sand et on l'a fait aussi au studio Hilltop du poteau. Et d'ailleurs, je passe un gros big up à Traffic Music, toute l'équipe. Voilà. C'est là où tu t'es enfermé. Je me suis enfermé chez Casa, un autre studio à Paris. On s'est enfermé là-bas en mode tout seul. Voilà, comme je t'ai dit. Écouter les instrus, choisir. Ah là, c'est une période. Il y a que toi. Hein. Je t'ai dit la vérité. Il y a que toi. Tu fais tes trucs tout seul. T'écris tout seul. Tu vas au studio tout seul. Et voilà. Et en fait, ça m'a fait du bien de retrouver ce délire-là parce que c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Tu vois. Après, quand t'arrives en maison de disque, il commence à y avoir un peu trop de monde, machin. Tu vas dans des trop grands studios. Il y a trop de monde qui est là, qui donne son avis. Donc, on est revenu à la source, à la manière de faire du rap comme on savait le faire. Et voilà, ça m'a fait du bien de bosser comme ça en fait. Mmh. De réécouter à chaque fois les morceaux quand ils étaient posés, d'avoir des doutes. Bah ouais, d'avoir des convictions aussi. Ouais, voilà, il y en a, tu le sais tout de suite. T'as vu, c'est ça, c'est il y en a, tu le sais tout de suite. Après il y en a, c'est vrai que t'as un petit doute, il y en a, c'est la prod, c'est un long travail hein, un album, c'est super long à faire. Il y a des sons qu'on a posés qui étaient bien mais on n'avait pas la bonne prod. Tu vois, on fait des remixes, on demande à nos beatmakers de nous faire d'autres sons. Moi je réécris, je repose, finalement non, j'enlève un couplet, j'en refais un autre. Bref, c'est super long pour calibrer un morceau comme t'en as envie. Des fois c'est fluide, ça va direct, des fois c'est un peu plus relou, mais voilà, c'est ça, c'est la musique. À quel niveau, si y a un niveau, je sais que c'est une question compliquée, mais à quel niveau tu le places cet album dans ta discographie? C'est un album qui est important pour toi? Ah ouais ouais, il est super important comme tous les autres albums, mais celui-là il est super important parce qu'il y a une saveur particulière, il y a un truc particulier. Bah c'est la première fois je crois qu'il y a autant de temps entre deux albums, c'est-à-dire que le dernier, La Plume et le Poignard, était sorti je crois en septembre 2012. Là on a sorti celui-là là, ça va faire ouais quasiment deux ans et demi, même passé. Donc il y a eu un long break quand même, mais il me fallait ce temps-là en fait pour faire cet album, tu vois. Je savais que j'allais pas t'en faire un en 8-9 mois comme ça, j'avais besoin de temps. C'est ce que je voulais faire à la base, on s'était posé avec l'équipe, Karim, Nabil. On avait fait nos petites réunions et c'était la stratégie qu'on voulait faire en fait. Faire des morceaux et quand on est prêt, on est prêt. Et puis tu le disais aussi et tu le racontes dans les morceaux pour vivre aussi, voilà, ta vie d'homme. Ouais, bah ouais. Au quotidien. Il y a une vie à côté. C'est ça, il y a une vie après le rap. Ah, c'est clair, il y a une vie après le rap, il y a une vie pendant et voilà, il faut aussi y penser. Donc voilà, mais bon après, t'as vu, j'ai ma structure, j'ai 609, voilà, là aujourd'hui parmi nous, il y a des jeunes, 940 districts. Tu vois, la relève est là, nous on aime toujours la musique, on a une structure pour faire de la musique. Donc quoi qu'il arrive, je pense qu'on en fera toujours. Et pour 609, on le disait, il y a l'artiste qui est passé cette semaine. L'artiste aussi, l'album Phénoménaux, il est dans les bacs. On a vu pas mal de monde, mais ouais, l'artiste c'est le nouveau, on va dire, de l'équipe. Et voilà, son album il est lourd, je vous invite à aller l'écouter pour ceux qui n'ont pas encore découvert. Il y a des lourds morceaux, le mec est super complet, donc voilà. Ce soir dans la nocturne, il y aura une petite session aussi avec lui, je ferai découvrir. On pourra découvrir. Je ferai découvrir pas mal de morceaux. Kaina aussi qui est sur le label, qui bosse de son côté. Qui prépare son album aussi, qui a sorti le sien aussi il y a pas longtemps, Thug Wife, et qui prépare le suivant, qui est en feat avec un peu tout le monde en ce moment, notamment Gradure. D'ailleurs, sur le morceau qu'on passe sur Skyrock. Voilà, le morceau s'appelle Secteur, on va le jouer aussi ce soir dans la nocturne. Donc voilà, elle aussi à l'avance, je sais qu'elle est en studio, je sais que ça bosse aussi, voilà, chez nous c'est comme ça. Quand il y en a un qui sort, l'autre il est en studio ou il arrive dans pas longtemps. Voilà. Bon bah suivez l'actu de 609, allez suivre aussi Cynic sur les différents réseaux sociaux. Et un morceau maintenant pour pratiquement conclure ce Planète Rap, un morceau qui s'appelle Dead. Ouais, Dead. Tu veux dire pareil un mot avant, on l'écoute, on en parle après? Ouais, on peut en parler avant si tu veux, hein, pour une fois. Non, Dead, ouais, parce que voilà, j'ai des oreilles, j'ai les réseaux sociaux, je vois certains trucs qui me plaisent pas, tu vois, il y a des. Comme quoi, par exemple? Non, mais comme quoi, tu vois, en fait, pour les gens, c'est ça, quoi, c'est quand on ne voit plus autant qu'avant, parce que nous, on a commencé très très fort, en fait, tu vois, quelque part, c'est un cadeau empoisonné, c'est qu'on a fait les premiers albums, c'était des albums à 300 000, mais c'était une autre époque, tu vois. Entre temps, on est revenu en indé et tout, donc maintenant, on fait des disques d'or en indé, ce qui est vraiment pas mal, j'estime, mais c'est moins visible, tu vois, donc les gens ils se lâchent un peu, Dead, machin, etc. Donc j'avais envie de rétablir certaines vérités, tu vois. C'est des trucs qui te touchent, toi, ou ça maintenant touche ça te... pas, mais c'est le jeu, tu vois ce que je veux dire. Si t'ouvres ta gueule, j'ouvre ma gueule, on répond, tu vois, c'est des petites gamineries du rap français, t'as vu, ça fait partie aussi de l'esprit du rap. C'est que voilà, si les gens pensent ça, laisse-moi te prouver que c'est pas le cas. Et comme je dis dans le morceau, disque d'or sans faire de promo, tu vois, voilà, c'est juste de rire que je suis mort en C'était vrai. Pour le précédent, tu parles. Ouais, le précédent, il n'y avait pas de clip, on est là, on est en indé, tu vois ce que je veux dire. Il y en a en maison de disque, ils les font pas les 50 000, tu vois. Donc, faut aussi le préciser. Après, ouais, c'est vrai qu'il faut relativiser. C'est la visibilité, en fait, qui manque, tu vois. Mais on s'en bat les couilles, on est des guerriers, on a commencé à faire du rap dans des caves, dans des endroits, t'as même pas idée. Donc voilà, j'ai pas couru toute ma vie après la célébrité. Je l'ai eu, je l'ai pris. Maintenant, je suis un peu plus crade, mais ça m'empêche pas de continuer à faire ma musique, à faire ce que j'aime et à répondre aux attaques. C'est aussi ça, le rap. Et bon, on l'écoute maintenant, Dead. Vas-y. Allez, c'est parti sur Skyrock avant de faire tourner la roulette aussi dans un instant. LR, c'est musique. Pas une seule rime sans gros mots. Pareil que je suis dead, j'fais 50 000 sans promo. Les jaloux sont là, c'est pire. Ils oublient le tape dans les bacs. Disque d'or sans faire de clip, c'est juste de rire que je suis mort. bonhomme inclashable, cette rage est nourrissante. Bande de lâches, lorsque le chat n'est pas là, les souris chantent. Ils pensaient que j'étais dead, ma haine est ancestrale. Je reviens vous baiser comme Zidane. Le rap game, c'est France-Espagne. Parce que les hommes font leur devoir. Tant pis si tu me vois moins, si je suis en retard à l'heure de gloire. Ils disaient que c'était foutu, crois-moi, j'ai lâché le rap. Pas la peine de faire du bruit, un chargeur s'en chargera. Palmarès de sous-merde, n'apparaissent que clinquants. Ce qu'il faut croire, c'est Chicago, ce qu'ils vivent tous, c'est guingant. On est de retour lundi dans les bacs, Immortel 2, S.I.N.I.K. J'aimerais tellement que je crève, qu'ils font des rêves à voix haute. Et la street me frôle, que des projets solides, en équipe, en solo, je fais mes dièses. Héros, ça fait temps long, j'ai toujours les temps longs, au grand jour ou temps long, je les pèse. Et la street me follow, que des projets solides, en équipe, en solo, je fais mes dièses. Frérot, ça fait temps long, j'ai toujours les temps longs, au grand jour ou temps long, je les pèse. J'ai prévu tous mes partisans, je suis de retour, je fabrique une bombe, une de plus, je suis parti, je suis artisan. Genre le S.I.N. scalpel, rappeur en doctorat, toujours les gros, je reviens pour tuer, je suis le gros dans Gomorrah. Quand j'en ai marre, je me débranche. Mec à part dans ce rap game, comme Mediapart, je dérange. Difficile de me calmer, dans mes clips jamais de tasse. Ils cherchent tous à me canner, j'ai l'impression d'être le DAS. Les petits frères dans la mêlée, les anciens défendent leur place. Ils se regardent à la télé, peuvent-ils le faire devant leur glace? Et certains s'attachent au pifton, mais ils s'enfoncent car ils s'en vont. C'est comme le sexe, plus ils en parlent, moins ils en font. Moi je suis pas dans leur vice, plus discret car je refuse de faire du son pour les radios. C'est lundi dans les bacs, je pourrais prendre mon âme. Immortel 2, sans regret mais sans regret, je préfère vendre moins d'albums plutôt que de vendre mon âme. Et la street me follow, que des projets solides, en équipe, en solo, je fais mes dièses. Frérot, ça fait temps long, j'ai toujours les temps longs, au grand jour ou temps long, je les pèse. Et la street me follow, que des projets solides, en équipe, en solo, je fais mes dièses. Frérot, ça fait temps long, j'ai toujours les temps longs, au grand jour ou temps long, je les pèse. Du rap à l'eau douce. Au garde-les, c'est bien la preuve qu'ils ont eu grave, ils ont plus grave ma peau d'ours. Un million ferme au chrono, la force par le nombre. Et si demain je ressors de l'ombre, c'est que je dois faire ma promo. Parce que je rappe trop salement, c'est pas qu'un peu que je m'en tape, je fais ma bulle localement. Le vrai rap en personne, banlieusard, centre-ville. Le flow, les sables de mon Essonne, reconnaissable entre mille. Et la street me follow, que des projets solides, en équipe, en solo, je fais mes dièses. Frérot, ça fait temps long, j'ai toujours les temps longs, au grand jour ou temps long, je les pèse. Et la street me follow, que des projets solides, en équipe, en solo, je fais mes dièses. Frérot, ça fait temps long, j'ai toujours les temps longs, au grand jour ou temps long, je les pèse. Tu sais que j'étais cuit, revanchard, j'ai lâchera. Pas la peine de faire du bruit, un chargeur s'en chargera. Au grand jour ou temps long, je les pèse. Avec de tests à temps plein, je fais mes dièses simplement. Comme Zidane, je parle peu, mais je les pèse humblement. S.I.N.K.R.A. Le morceau s'appelle Dead à l'instant, voilà, petite réponse. Ouais, ça fait du bien toujours de rétablir certaines vérités. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi une vie après les réseaux sociaux, donc... Ouais, et puis après la musique aussi. Hein, après la musique, donc... Après tout ça, il y aura une vie, hein, t'inquiète pas, on sera posé à la maison, on rigolera de tout ça, et voilà. Et puis t'auras passé des sacrés moments quand même, hein. C'est vrai mais que des c'est... putains de moments, tu rigoles, c'est des... même dans mes plus grands rêves, j'avais pas imaginé ce genre ouais, de choses. Ouais, c'est ça, c'est quand t'étais plus gamin. Non, mais t'inquiète, hein, il y a zéro regret, hein. Nous on est des gens, voilà, moi je suis pas quelqu'un d'aigri, j'ai eu un beau parcours, je suis vraiment fier de ce que j'ai fait avec mon équipe, on a commencé avec des bouts de ficelle, au final on a monté quelque chose de très solide, donc voilà, je suis fier de ça, fier de mon parcours, j'ai que des putains de barres de rire. J'ai des milliers de vidéos, t'inquiète pas, j'aurai de quoi parler plus tard à mes petits-enfants. Écrire des bouquins. Ouais, t'inquiète, on aura des jolis souvenirs et on se rappellera de ça comme d'une putain d'époque, donc voilà, c'est cool, t'inquiète. Cynic avec nous, alors j'ai une bonne, une mauvaise nouvelle, la mauvaise c'est que D-Fool va pas tarder à arriver, donc la bonne c'est qu'on peut mettre un son en plus pour finir. Ah ouais, ok, donc là donc, tu son... quoi. Non, mais on peut finir par exemple avec le concert de la banlieue. Allez, vas-y. On a ouvert avec, on va finir avec. Vas-y, on va terminer avec ça. Le clip est arrivé cette semaine, yes, je disais. Le puckly, il est tout frais, tout neuf, donc voilà, allez voir ça sur YouTube et tout ce qu'il faut. Et D-Fool, on va le retrouver dans un instant pour la Radio Libre, c'est au 01 53 40 30 20, la roulette qui arrive aussi. Et le morceau pour conclure cette semaine avec Cynic, c'est le cancer de la banlieue tout de suite.

Bah oui, hein, je suis prête. Allez, on y va. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Allez. Elle est lancée. Et elle va s'arrêter pour toi sur la case. A priori, c'est un stop. Hein. Ouais. Si c'est un stop, bizarre, mais c'est un stop. Et ben voilà, Manon, c'est fait. Album de Sam Smith et 50 euros en bon d'achat qui arrive à la maison, c'est pour toi. Cool, merci, c'est gentil. Je te fais des bisous, passe un bon week-end. Bah merci, je peux juste ajouter un petit mot ? Vas-y. Je fais un gros bisou à Arthur et Léa qui doivent sûrement m'écouter là. Eh bah voilà. Terrible, le message merci. Est passé. Ciao, merci. Bisous. Salut. Merci Cynic une fois de plus. Merci à toi Fred. On va checker savoir si Diffoul est arrivé. Il était bloqué dans les embouteillages parisiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le studio ? On va remettre tout l'album hein, si tu veux. Non, je peux te faire réagir sur... non, je peux te faire réagir sur un truc très drôle. Ouais. PSG et l'OM qui viennent de faire un communiqué de presse en commun, ça vient de tomber à l'instant. Ouais. Pour boycotter Canal+. Par rapport suite à Zlatan, caméra, suite à Zlatan et Dimitri ouais. Payet ouais, aussi. Bah, je suis d'accord, je signe la pétition. Donc t'es d'accord aussi ? Bien sûr. Là ils ont dit que plus aucune interview d'après-match ou avant-match ou pendant le match, c'est ouais, fini. Mais tu peux plus rien dire au bout d'un moment, ils sont relous donc caméra bientôt il y en aura dans les vestiaires, il y en aura partout donc... Bah après c'est vrai que parfois tu peux avoir des énervements. Non, 4 matchs, c'est dur. Franchement, là, ils ont allumé Zlatan. On n'est pas contents, les mecs. Zlatan Payet dans le même combat. On sait que vous n'avez pas envie qu'on et vous fasse une année de rêve, mais t'inquiète pas. Mais c'est vrai que c'est assez drôle ce communiqué en commun qui est tombé. Donc, PSGOM, ouais. Boycott Canal+, il n'y aura plus jusqu'au 30 mai pour l'instant, même ouais. En Ligue des Champions pour le PSG. Aucune interview des ouais. Joueurs, de l'encadrement, de tout ça, c'est fini. Aïe, aïe, aïe. Ah, Samy, tu veux réagir, toi ouais, qui es supporter moi, ça parle, marseillais. Ça parle ballon, ça parle OM PSG, je suis là, gros. Je l'ai croisé l'autre jour dans les studios, le lendemain où on les a tapés, il a filé direct. T'as vu, je suis arrivé en retard exprès je le jour. Je bloqué en plus exprès, mais non. Alors, Samy, petite réaction après cette belle semaine, Saint-Etienne, Marseille. Demain, Bastien, pronostic. Je suis le seul peut-être. De l'équipe dans le studio, faut pas me chauffer, je vais partir aussi sinon. Tu es supporter corse demain, je crois. Ah, hein, à fond, gros. Moi, j'ai toujours été corse, de toute façon. Eh ben, écoute, bon courage. Non, bon, faut le dire, hein, Paris, voilà, ils ont fait leur match, ils ont gagné contre l'OM. Bon. Ils seront champions, c'est prévu de toute façon. C'est bien, il est honnête. C'est bien. L'honnêteté marseillaise. Budget, heureusement que vous êtes champion. Ah, ça y est, c'est parti. C'est des longs débats, ça. On les 500 millions de budget, quelques arbitres, heureusement que vous êtes champion. C'est parti. Ah, c'est manque vrai. Plus que, tu sais, à chaque fois, ouais, nous on a la coupe aux deux oreilles. En plus, nous on a la coupe aux deux voilà, oreilles. Voilà. Celle-là, vous l'aurez jamais. Aux grandes oreilles, pardon, aux grandes oreilles. Oui, c'est vrai que normalement elles ont deux oreilles. Bah voilà, deux oreilles aussi. Bon, Samy, ça dit quoi alors? On avait perdu Diffoul, t'as des nouvelles? Je suis tout seul et Marie répond pas et Diffoul répond pas. Ah, Diffoul répond apparemment. Cédric arriver. Cédric est en train de... Il prend son temps, Cédric. Alors lui, il va tout pépère. Mais t'inquiète, on peut envoyer la pub et retrouver tout le monde après. Et bah, comme tu veux, si t'as quelqu'un en ligne, dis-nous. Sinon. Bah, là, pas tout de suite, là. Bon, et bah. J'ai les pubs en ligne. Et bah, la pub en ligne, et on revient. Et Cynic tout à l'heure, juste après pour le retour de la nocturne. Ciao, Samy. Vas-y, ciao toute l'équipe, la radio libre. Ciao, ciao, les gars, ciao.